La cité mystique de Dieu par Marie de Gréda, tome 3, Poussiel Guruzan, 1857. Extrait du livre 4e, La présentation au temple. Chapitre 20. La présentation de l'enfant Jésus dans le temple, et ce qui s'y passa. Le Père éternel n'avait pas seulement droit sur la très sainte humanité de Jésus-Christ en vertu de la création, comme sur toutes les autres créatures, mais elle lui appartenait aussi d'une manière spéciale en vertu de l'union hypostatique avec la personne du Verbe, qui était engendré de sa propre substance, comme Fils unique et véritable Dieu de Dieu véritable. Néanmoins, le Père détermina que son Fils lui serait présenté dans le temple, tant à cause du mystère que cette cérémonie renfermait, que pour l'accomplissement de sa sainte loi, dont notre Seigneur Jésus-Christ était la fin, Romains 10, 4. C'est pourquoi il fut prescrit aux Juifs de consacrer tout leur premier-né, Exode 13, 2, dans la perpétuelle attente de celui qui le devait être du Père éternel, Hébreux 1, 6, et de sa très sainte mère. Et en cela sa divine majesté se comporta, pour ainsi dire, comme les hommes, qui sont bien est-ce qu'on les entretienne souvent de ce qu'ils aiment, et qu'on leur redise plusieurs fois ce qui leur agrée. Le Père connaissait tout, savait tout par son infinie sagesse, et néanmoins il se plaisait en l'offrande du Verbe incarné, qui lui appartenait par tant de titres. La mère de la vie connaissait cette volonté du Père éternel, qui était celle de son très saint Fils en tant que Dieu, et animait également l'humanité du même Seigneur, dont elle voyait que l'âme et les opérations étaient en tout conformes à la volonté du Père. Notre grande princesse, ainsi éclairée, passa en des entretiens tout divins la nuit qui suivit son arrivée à Jérusalem, et précéda la présentation. S'adressant au Père éternel, elle lui disait, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de mon Seigneur, le jour s'approche auquel je dois vous offrir dans votre temple l'hostie vivante, qui est le trésor de votre divinité. Cet heureux jour sera solennel pour le ciel et pour la terre. Cette offrande est très riche, Seigneur, et elle suffit pour vous faire dispenser largement vos miséricordes au genre humain, pardonner aux pécheurs, consoler les affligés, secourir les nécessiteux, enrichir les pauvres, protéger les misérables, éclairer les aveugles et ramener ceux qui se sont écartés du bon chemin. C'est ce que je vous demande, Seigneur, en vous offrant votre Fils unique, qui est aussi le mien par un effet de votre bonté infinie. Et si vous me l'avez donné Dieu, je vous le présente Dieu et homme tout ensemble, son prix est infini et au-dessus de ce que je demande. Je retourne riche à votre temple, d'où je suis sorti pauvre, et mon âme vous glorifiera éternellement de ce que votre divine main s'est montrée si libérale et si puissante à mon égard. Le jour étant arrivé auquel le soleil de justice devait paraître au monde entre les bras de la très pure aurore, la divine dame prépara les tourterelles de cierge, et accommoda l'enfant Jésus dans ses langes, puis sortit avec son saint époux Joseph de la maison, où ils avaient été reçus pour se rendre au temple. La procession commença, et les anges qui étaient venus de Bethléem s'y trouvèrent en forme humaine, et tout resplendissant de lumière, comme je l'ai dit. Mais cette fois, ils ajoutèrent plusieurs beaux cantiques, qu'ils chantaient avec une ineffable harmonie à la louange de l'enfant Dieu. Il n'y eut que l'auguste Marie qui les entendit. Et outre les 10 000 anges qui allaient sous cette forme, il descendit du ciel un très grand nombre d'autres purs esprits qui, se joignant à ceux qui portaient la devise du saint nom de Jésus, accompagnèrent le Verbe incarné à cette présentation. Ceux-ci n'avaient aucune forme corporelle, Ils allaient comme ils sont, et notre seule princesse pouvait les voir. La bienheureuse mère ressentit en arrivant à la porte du temple de nouveaux et sublimes effets intérieurs d'une dévotion très sensible, et continuant de s'avancer jusqu'au lieu où les autres femmes s'arrêtaient, elle se mit à genoux et adora le Seigneur en esprit et en vérité, Jean 4, 23, dans son saint temple, après quoi elle s'offrit à la Majesté suprême, avec son Fils dans ses bras. Aussitôt la très sainte Trinité se manifesta à elle par une vision intellectuelle, et il en sortit une voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais uniquement », Matthieu 17, 5. Cette voix ne fut entendue que de la Sainte Vierge. Le plus fortuné des hommes, Saint Joseph, sentit en même temps une nouvelle et douce impulsion du Saint-Esprit, qui le remplit de joie et de lumière divine. Le souverain prêtre Siméon, mu aussi du Saint-Esprit, comme il a été dit au chapitre précédent, entra dans le temple, Luc 2, 27, et, s'approchant du lieu où se trouvait notre reine avec son enfant Jésus entre les bras, il les vit tout rayonnant de gloire, mais cette splendeur ne lui parut pas égale, car l'éclat du Fils se distinguait de celui de la mère. Ce prêtre était rempli d'années et vénérable sous tous les rapports. La prophétesse Anne l'était aussi, elle vint dans ce saint lieu à la même heure, comme le raconte l'Évangile, Ibidem 38, et vit l'enfant et la mère dans un éclat merveilleux. Ils abordèrent la reine du ciel pénétrée d'une consolation divine, et le prêtre reçut de ses mains l'enfant Jésus. Et, levant les yeux au ciel, il l'offrit au Père éternel en disant ce cantique plein de mystère, « Maintenant, Seigneur, vous permettrez à votre serviteur de mourir en paix, selon votre parole, puisque j'ai vu de mes yeux le Sauveur que vous nous donnez, et que vous avez destiné pour être découvert à toutes les nations et pour être la lumière qui doit éclairer les gentils, et la gloire de votre peuple d'Israël, Luc 2, 29, etc. Et ce fut comme s'il eût dit, « Maintenant, Seigneur, vous me laisserez m'en aller libre et en paix, délivré des chaînes de ce corps mortel, où les espérances de votre promesse et le désir de voir votre Fils unique fait homme me retenaient. Je jouirai à présent d'une paix assurée, et véritable, puisque j'ai vu mon Sauveur, votre Fils unique incarné, uni à notre nature pour lui donner le salut éternel, décrété avant tous les siècles dans le secret de votre divine sagesse et de votre miséricorde infinie. Vous l'avez, Seigneur, mis à la vue de tous les mortels en le faisant venir au monde, afin que tous, s'ils le veulent, puissent en jouir et en recevoir le salut et la lumière qui éclaire tout homme, venant dans ce monde. Jean 1, 9. Car il est le soleil qui doit éclairer les gentils et la gloire de votre peuple d'Israël. Luc 2, 32. L'Auguste Marie et Joseph ouïrent ce cantique de Siméon, et ils admirèrent la sublimité de l'esprit qui le faisait parler. L'évangéliste les appelle parents de l'enfant Dieu, selon l'opinion du peuple, Luc 2, 33, parce que la chose se passa en public. Siméon continua son discours, et, s'adressant avec attention à la très sainte mère, il lui dit, « Sachez, ô femme, que cet enfant est établi pour la ruine et pour le salut de plusieurs en Israël, il sera un signe de contradiction, votre âme, qui lui appartient, sera transpercée d'un glaive de douleur, afin que les pensées du cœur de plusieurs soient découvertes, Ibidem 34 et 35. » Ainsi termina Siméon. Et comme prêtre il bénit les heureux parents de l'enfant. Ensuite la prophétesse Anne reconnut le Verbe incarné, Ibidem 38, et, illuminée de l'Esprit divin, elle dit plusieurs choses de ces mystères à ceux qui attendaient la rédemption d'Israël, de sorte que la venue du Messie, qui devait racheter son peuple, fut publiquement attestée par les deux saints vieillards. Au moment où le prêtre Siméon prononçait les paroles prophétiques de la passion et de la mort du Seigneur, marquées par ces termes de glaive et de signes de contradiction, l'enfant Jésus baissa lui-même la tête. Par cette action et par plusieurs actes d'obéissance intérieure, il accepta la prophétie du prêtre comme une sentence du Père éternel déclarée par son ministre. L'amoureuse mère y connut tout cela, et, par l'intelligence de mystère si douloureux, elle commença d'éprouver la vérité de la prophétie de Siméon, ayant dès lors le cœur percé du glaive qui la menaçait pour le temps à venir. Car tous les mystères que la prophétie enfermait lui furent intérieurement découverts et montrés comme dans un très clair miroir. Elle vit que son très saint fils serait une pierre de scandale et un sujet de ruine pour les incrédules, et qu'il serait la vie pour les fidèles. Isaïe 8, 14, Pierre 2, 8, Matthieu 21, 43. Elle connut la chute de la synagogue et l'établissement de l'Église dans la gentilité, le triomphe que son adorable fils remporterait sur les démons et sur la mort, mais qui lui coûterait bien cher, puisqu'il ne le remporterait que par la mort ignominieuse et douloureuse de la croix. Colossiens 2, 15, les contradictions que l'enfant Jésus essuierait en lui-même et en son Église de la part de l'innombrable multitude des réprouvés, Jean 15, 20, et enfin l'excellence des prédestinés. Cette auguste reine comprit toutes ces choses, et, élevée entre la joie et la douleur de son âme aux actes les plus parfaits par la compréhension de ces inénarrables mystères et par la prophétie de Siméon, elle se livra à l'exercice des vertus les plus éminentes, et grava dans son cœur tout ce qu'elle apprit et tout ce qu'elle vit par la lumière divine et par les paroles prophétiques de Siméon, sans en perdre jamais le souvenir. Elle regardait son très saint fils avec une si vive douleur qui renouvelait continuellement les amertumes de son âme, qu'elle seule comme mère, et mère d'un fils Dieu et homme, ressentit dignement ce qui ne nous touche point à cause de la dureté et de l'ingratitude de nos cœurs. Le saint époux Joseph pénétra aussi plusieurs choses des mystères de la rédemption et des peines du très doux Jésus lorsqu'il entendit ces prophéties, mais la connaissance que le Seigneur lui en donna ne fut pas aussi étendue ni aussi générale que celle de sa divine épouse, et cela pour diverses raisons, et parce que le saint n'en devait pas voir l'entière réalisation pendant sa vie. La cérémonie achevée, notre grande dame baisa la main au prêtre et lui demanda sa bénédiction. Elle en fit de même à l'égard de son ancienne maîtresse Anne, car, quoiqu'elle fût mère de Dieu et que sa dignité surpassât toutes celles qu'aient jamais pu avoir les femmes, les anges et les hommes, elle ne laissait pas de pratiquer les actes d'une profonde humilité. Elle retourna ensuite chez son hôte, et elle marchait avec l'enfant Dieu et son époux, accompagnée des 14 000 anges qui l'assistaient. Elle resta quelques jours à Jérusalem par dévotion, comme je le dirai, et durant son séjour elle eut divers entretiens avec le prêtre touchant les mystères de la rédemption et les prophéties qu'il lui avait annoncées. Et, quoiqu'elle employât très peu de paroles dans ses conférences, elles étaient si éloquentes et si remplies de sagesse, que le prêtre en fut ravi d'admiration, et en ressentit de nouvelles consolations et de très doux et très sublimes effets en son âme. Il en arriva de même à la sainte prophétesse Anne, et ils moururent tous deux dans le Seigneur fort peu de temps après. Le prêtre prit soin de leur faire fournir à ses dépens tout le nécessaire, Pendant le temps que notre reine passa en cette maison, elle allait souvent au temple, où elle reçut de nouvelles faveurs qui adoucirent quelque peu la douleur que les prophéties du prêtre lui avaient causée. Et, afin de mieux la consoler, son très saint fils lui dit dans cette occasion, « Ma très chère mère et ma colombe, essuyez-vous larmes et dilatez votre cœur, puisque c'est la volonté de mon Père que je subisse la mort de la croix. Il veut que vous partagiez mes peines et mes souffrances, et moi je veux les endurer pour les âmes, qui sont les ouvrages de mes mains et faites à mon image et à ma ressemblance, afin de les conduire dans mon royaume et de les faire vivre éternellement avec moi après avoir triomphé de mes ennemis. » Éphésiens 2, 10, Genèse 1, 27, Romains 6, 8, Colossiens 2, 15. « C'est ce que vous souhaitez aussi. » La divine mère répondit, « Ô mon très doux amour et fils de mes entrailles, si je pouvais partager votre sort autrement qu'en vous assistant de ma présence et de ma compassion, et en subissant la mort avec vous, je serai bien plus consolé, car ma plus grande douleur sera de vivre lorsque je vous verrai mourir. » Notre princesse passa quelques jours dans ces saints exercices et dans ces amoureux et tendres épanchements, jusqu'à ce que Saint Joseph fût inspiré de fuir en Égypte, comme je le dirai dans le chapitre suivant. Instruction que la très sainte Vierge me donna. Ma fille, vous trouvez dans ce que vous avez écrit la leçon et l'exemple de la constance et de la générosité que vous devez tâcher d'avoir, toujours disposé à accepter avec égalité d'âme la prospérité et l'adversité, la douceur et l'amertume. Ô ma très chère fille, que le cœur humain est faible et lâche pour supporter ce qui est pénible et contraire à ses inclinations terrestres. Comme il regimpe contre les afflictions, avec quelle impatience il les reçoit. Combien lui paraît intolérable tout ce qui s'oppose à ses goûts, et comme il oublie que son maître et son seigneur a été le premier à souffrir, et qu'il a honoré et sanctifié en lui-même la souffrance, 1 Pierre 2, 21. Qu'il est honteuse et en même temps qu'il est téméraire pour les fidèles de l'aborder ainsi, après ce que mon très saint fils a enduré pour eux, puisqu'il y a eu plusieurs saints qui ont embrassé la croix avant qu'il y mourût, dans la seule vue de ce que le Christ y devait souffrir, quoiqu'ils ne le vissent pas encore. Et si ce peu de conformité qu'on a avec mon adorable fils est si blâmable en tout, considérez, ma bien-aimée, combien il le serait davantage en vous, qui témoignait tant d'ardeur pour acquérir l'amitié et la grâce du Très-Haut, pour mériter le titre de son épouse et de sa favorite, et pour être tout à lui comme lui tout à vous, et qui désirait aussi très vivement d'être ma disciple, de m'avoir pour votre maîtresse, de me suivre et de m'imiter comme une fille fidèle. Vous ne devez pas faire consister tout cela en de simples affections, ni répéter sans cesse, Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, 21, et vous désoler et vous plaindre lorsqu'il faudra goûter le calice, porter la croix et passer par les afflictions et éprouver la sincérité d'un cœur épris d'amour. Ce serait désavouer par les œuvres ce que vous protestez de faire par vos promesses, et sortir du chemin de la vie éternelle, car vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ que vous n'embrassiez la croix, Marc 8, 34, et que vous ne vous plaisiez en elle, vous ne me trouverez pas non plus par une autre voie. Si les créatures vous abandonnent, si la tentation vous menace, si la tribulation vous afflige et si les douleurs de la mort vous environnent, Psaume 17, 5, il n'y a pas là de quoi vous troubler ni vous abattre, et vous nous offenseriez grièvement, mon très saint fils et moi, si vous ne vous serviez point de sa puissante grâce pour vous défendre, Et si vous la déshonoriez, la receviez en vain. 2 Corinthiens 6, 1. En outre, vous donneriez lieu aux démons de remporter sur vous un grand triomphe, car ils se glorifieraient beaucoup d'avoir troublé ou abattu celle qu'ils regardent comme la disciple de mon Seigneur Jésus-Christ, la mienne. Et si vous commenciez à défaillir dans les petites occasions, ils vous perdraient dans les grandes. Confiez-vous donc, ma fille, en la protection du Très-Haut, et dans le soin que je prends de tout ce qui vous concerne, et, pleine de cette foi, quand la tribulation vous visitera, répondez avec courage, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui est-ce que je craindrai? Il est mon défenseur, comment serais-je ébranlé ?» Psaume 26, 1. J'ai une mère, une maîtresse et une reine qui me protégera et veillera sur moi dans mon affliction. Tâchez par cette assurance de conserver la paix intérieure, et de ne me perdre point de vue, afin que vous imitiez mes œuvres et que vous suiviez mes traces. Pensez à la douleur dont les prophéties de Siméon me percèrent le cœur, et voyez quel calme je suis gardé dans cette peine, sans me laisser ni agiter ni ébranler, quoique mon âme fût déchirée par le glaive. Tout ne me portait qu'à glorifier et qu'à révérer la sagesse admirable du Très-Haut. Si elle recevait les peines passagères avec un cœur joyeux et tranquille, la créature serait spiritualisée et élevée à une science divine, de sorte qu'elle ferait la plus grande estime des souffrances, et que bientôt elle trouverait la consolation et recueillerait le fruit du désenchantement et de la mortification des passions. Cette science s'apprend à l'école du Rédempteur, qui est caché aux habitants de Babylone et aux partisans de la vanité, Matthieu 11, 25. Je veux aussi que vous m'imitiez en la vénération que j'avais pour les prêtres et les ministres du Seigneur, car leur excellence et leur dignité sont bien plus grandes maintenant que le Verbe s'est uni à la nature humaine, et s'est fait prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 109, 4. Écoutez leur doctrine et leurs instructions, comme émanant de sa divine majesté, dont ils tiennent la place. Considérez quel pouvoir et quelle autorité elle leur donne dans l'Évangile en disant, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous méprise, me méprise. » Luc 10, 16. Pratiquez ce qui est le plus saint, comme ils vous l'enseigneront, occupez-vous continuellement à méditer ce que mon très saint fils a souffert, et faites-le de telle sorte que vous preniez part à ses douleurs, que vous ayez de l'aversion et du dégoût pour les consolations terrestres, et que vous oubliez tout ce qui est visible pour suivre l'auteur de la vie éternelle. Matthieu 19, 27. Markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.